Thank you. L'orchestre s'installe. Les professionnels. Hey, come on, oh, c'est moi qui les interprète. Hey, tu connais double bass. Y'en a l'apton. Scott Hamilton. De Killington. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz. Vous m'avez pétrifié jusqu'à la scène. Et l'eau est partie. Oh, ça y est, je transpire. Timidité sur mer. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance à l'étampée. Mon chat miaule comme ça. Il se fait engueuler parce qu'il fait plein de conneries. Il s'est couché sur le linge tout repassé. Alors il s'est pris une engueulade. J'ai compris ce que mon chat voulait. Il miaulait devant une porte. Il est pas si con ce chat. Je lui ai ouvert la porte. il est content. Il est content, mon chat. Il aime bien faire des jazz. Jeanne Tabac, Sharon. Je me suis trompé là, c'est pas ça. Je me suis trompé, double. C'est pas comment on fait pour mettre les accords là. J'en ai oublié là. pratique. Je disais que c'est pratique la grille d'accord sur Jam Tabac, mais je sais pas si tu as Jam Tabac, Sharon. T'as compris ? Tu as compris ? Tu as compris ? Je sais pas si tu me comprends, donc je parle un peu vite. Yeah, man. Come on. Y a le batteur qui s'emmerde un peu quand même. Si tu télécharges Jam Tabac, c'est facile, c'est rapide et c'est pratique. Et ça fonctionne très bien maintenant. Enfin, moi je suis un fan de Jam Tabac. Malgré tout, les gens qui ont dit du mal de Jam Tabac. T'as pas de tabac? T'as pas de tabac? Moi, ce qu'il me faut, c'est une nouvelle carte son.